Maria, tu danses au gré du vent. Moi le macaque, je te suis en rêvant. J'aimerais mort dans les jolis mangos que tu balances là-haut. Tu danses sur le temps et tu te bouges comme un petit serpent. J'aimerais mort dans les noix de coco. Tu balances là-haut. Yeah.